بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، نقول كلمات أولا نسألك. خاشية يخشى. خلف. سؤال آخر، الفرق بين الخاشية والخوف. Alors, Al-Khashya, هو الخوف مع العلم والتعظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أصاب يصيب. Quelque chose qui s'est passé. Chose qui t'a atteint, qui t'a arrivé. T'a touché. مكروه مصيبة. مصيبة calamité. الأقارب، les proches، الاتصال، un appel، تعود يتعود، s'habituer، أجل يؤجل، reporter، بقية، ce qui reste، le reste، شاطئ، شاطئ، la rive، منظر، un paysage، تنزه. Visiter. Non, promener, se promener. Et Nassim. La brise. Et c'est bien ça, Alif, c'est frais. Nassim, Alif, ça brise fraîche. Avant. C'est le sens qui m'a. Le mot en soi, je vais. Voilà, mais ce qui m'apparaissait comme étant logique dans la phrase. Après, je partais vérifier et c'est bien ça le sens. Ah, j'avais la fille là. أولا لماذا تأخر علي؟ لأنه كان مشغولا بالأقارب بأقاربه. parce qu'il était occupé avec ses proches. ماذا ظن عمر؟ ظن أن أصاب علي مكروه. je sais pas si on dit أصاب على ou أصاب علي. أصاب على فلان أو أصاب فلان. أصاب فلانا. directement. أصاب علي مكروه. ظننت أنك أصابك مكروه. قد أصابك. ظننا أنه أصاب عليا مكروه. ما الذي لم يستطيع علي فعله؟ ما كان يستطيع أن يتصل عمر أن يتصل بي ويوصي على أتصل. أتصل بك أو أتصل عليك بعمر إما بعمر أو على عمر على أي شيء تعود عمر على المحافظة توتيتا على المحافظة على الموعد المواعيد نعم متى سيتغديان؟ قبل صلاة العصر. إلى أين سيذهبان بعد الغداء؟ إلى الحديقة العامة. لماذا يريدان الذهاب إلى الشاطئ قبل غروب الشمس؟ أنا لا أعلم. لأن النسيم طيب عند الغروب. ويرجو كذلك ليرجع بعد صلاة المغرب وليستمتع بالمنظر منظر النهر pour se réjouir de la vue du fleuve à cette heure-là. ماذا طلب عمر من علي؟ طلب منه أن يتغشى معه في بيته. لماذا احتضر علي من دعوة عمر للعشاء؟ لأنه سيزور جدته. ثم هو موعد مع الضيوف بعد العشاء. السابع والثامن. C'est déjà pas déjà la stamina, se réjouir. Jouir de quelque chose. Tafaddal. Ta'awwada Muhammadun bid-durus bid-dirasa. Ala. Ala ad-dirasa wa yastamti'u bih. Biha. Tarjim. Muhammad s'est habitué à aux études, et il se réjouit de cela. Il en joue. Non. Ensuite, Adjala avec Makro. Adjala. Ah voilà, j'ai Adjala. Adjala Ahmadou, Mou'idatou. Mou'idata. Adjala Mohamedou, Mou'idata. Lienna, Asabahou, Makro. Lienna, ou Asabahou. ما يلزم من تجل هذا وهذا مثل ما في انفاس سي با لازم ça si investi un peu de cela c'est pas ça que tu veux dans les deux je peux mettre une phrase un mot dans une phrase quelque chose dans une phrase qui en face c'est pas forcément ah, okay. Si tu as posé cela là il y a pas de manière mais crois pas que c'est ça que tu demandais d'accord mais j'ai... l'autre oui ça a mis ma main là d'accord j'ai pensé ça طيب بعد أصاب عليا je sais pas comment أصاب عليا أو عليون عليا أصاب عليا شيء فنسي موعدته موعده ثم تحية وشافي ماذا كفر ah oui في بقية مما سبق أهل موسى وأهل هارون تحمله الملائكة في سورة البقرة هكذا فيه بقية من الأكل تفضل يا استنبل نويتور مانج سنذهب بعد العصر إلى الشاطئ on va partir à Palace à l'arrivée. Donc là on va se dire il y a sakinat min rabbikum wa raqiyatan اتصل محمد مع هذا الهاتف محمد الى ابلي avec ce téléphone تأخر avec الزيارة مع c'est pas ce qu'on vient ah ok مع en arabe souvent c'est un terme de choses qui accompagnent pour la fois tu mets bi t'as fait par téléphone je me rappelle que j'avais dit ça au début dans j'étais en Égypte je commence à parler la langue arabe je sais plus de quoi après m'avait un staff égyptien on parlait de je sais plus de quoi ou de pyjama ou d'un vêtement de sommeil pour dormir je vous dis un m maro je dis là je dis pas ça je dis un m bi ou fi parce que moi je dis non comme on pense on dit par exemple je dors avec tel vêtement ouais. Il dit non en arabe quand tu dis il est à côté de toi c'est la compagnie tu vois ah. Alors tu veux dire on a un même à dos j'ai dit ou ma aoula dit mais ça là ma aoula là t'as un bihi ou fihi t'as akhara aliyun liannahu kana fi ziyara kana indahu zi non kana fi ziyara il avait une ziyara il avait 7 ziyara c'est bon je pense. تأخر علي علي لأنه كان في شوف مجموعة لأنه كان عليه الزيارة تعود بالرجل تعود هذا أنا مش بزيارة. أيوه نعم تفضل تعود هذا الرجل على الصلاة في المسجد. Cet homme s'est habitué à faire ses prières au masjid. Il avait plutôt intérêt. C'est wajib pour lui. S'il y a un masjid bien fait, pas pour ses médias. Ouais. Je sens qu'il a. Qu'il est pas malade. Moi, non, c'est juste. رأيت الصوتية نعم رأيت الصوتية عند الغروب عند الغروب واستمتعت بمنظر نهر والنسيم والنسيم بمنظر النهر والنسيم تفي النسيم نعم j'ai joui de du paysage et aussi de la brise, la brise, de la brise. Alors j'ai vu la rive au coucher du soleil et j'ai joui du paysage du fleuve, c'est ça? Non, c'est pas là. De la vue du fleuve. De la vue du fleuve et de la brise. Non, parce que là t'as triché. Ah bon? Car t'as mis un signe majeur et là il est moins fort. أظن علي أنك أصابك مكروه. أظن علي أنه أصابك. لأنه يعني فجأة أنك أصابك. أظن أنه أصابك مكروه. Parce qu'en fait, il y a déjà le damir pour. Il y a déjà le cas, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre le nakar. Pourquoi commencer par le cas? Si. Ouais. Ça revient au. Bon, je ne parle pas de dire, mais c'est à l'oreille, là, c'est le cas qui passe pas. استمتع عمر عند غروب الشمس. طيب بعدين سنذكر في الدرس الثالث عشر بعنوان زيارة للمتحف ولمتحف بيزيد ميوزي متحف معنى ميوزي. كلمة جديدة أثريون أثرية أثريون سي سبب تصفة نجوز سبب نجوز أنتيك أنتيك أثرية سي سون مؤنث تذكر يتذكر سرابلي سوفينير المعلومات sont les connaissances. Chose que tu as appris. Mouthafoun, on le dit, musée. Djawulatoun, c'est un tour. Tour dans le sens de promenade. Une ronde. Asna'a, c'est durant. Ra'i'un, معنى ممتاز. Une chose excellente. الجدد هذا جم جم ماذا جدد جديد جديد نعم الآثار يعني الآثار القديمة sont les choses anciennes c'est-à-dire les antiquités et non pas les à la base Athar ça peut être une trace ça peut être des choses dans le passé qui restent encore aujourd'hui les empreintes aussi Athar dans le Mustalah c'est Yutlaq ala al-Hadith Summa ça peut être le Hadith et après ça a été différencié par le Hadith en disant que c'est les paroles des Salaf mais là c'est pas ça qu'ils veulent là c'est le Jam الآثار المفرد سي آثار بدون من مشاهدة سي المصدر دو شاهدة يشاهدو كي بل يقوى كل شيء غير كل شيء contemplation المباني سي لي construction Al-Awani, c'est le djem de Ina, ce sont les récipients, ustensiles. Tu verras dans Boulouma, c'est le Mbeb Al-Awani. Kitab, je ne sais plus des ustensiles à utiliser pour les Tahara. I'lanun, ça c'est annonce. Al-Qudama'u. Le diam de Kudama Qadim Abar c'est le diam de Bir c'est un puits pardon je connais pas Abar c'est un puits ça c'est le diam des puits un puits où il y a de l'eau quoi non le diam c'est Bir avec un Hamza Bir c'est le Mufrad non le diam c'est Abar اشترى كده اشترى دي كورس يبارتيسيبي اكي كو شوز كولابوري اكي كو شوز نعم الحوار ريا حوار وقل علي ومحمود ستقرر المقدمة و انا ساقرأ عليا وانت محمودا تفضل علي ومحمود قاما بزيارة أحمد بزيارة أحد المتاحف وقضيا فيه ثلاث ساعات شاهد فيها كثيرا من الأثر من الآثار أخذ محمود ورقة وقلما وبدأ يكتب. Donc Halim Mahmoud a entrepris, la commence, c'est pas censé se lever, c'est entreprendre une chose. Entrepris de la visite d'un des musées. Ils y ont passé 3 heures à contempler ce, beaucoup de choses qui se trouvaient, beaucoup des antiquités qui se trouvaient. Et Mahmoud a pris une feuille et un stylo et s'est mis à écrire. A commencé à écrire. Allez Aliyoun. ماذا تكتب يا محمود؟ كيف تكتب محمود؟ أكتب بعض الأشياء التي أشاهدها أثناء تجوالي داخل المتحف. حسنا وعنصر الداخلة فتحة نعم. نظر. كنت أكتب بعض الأشياء. Mais c'est ce que j'ai vu durant on va dire mon parcours enfin mon tour à l'intérieur du musée elle c'est taktubu kitaban amma tushahiduhu est-ce que tu comptes écrire un livre ce que tu as vu mal mani'a ya ali hadhi ma'lumatun tamla'u safhatin kathiratan Safahatin. Il dit où est l'empêchement au Ali ces connaissances prennent des pages entières, beaucoup de pages. Tamla, ça veut dire plein. Remplir. Mala'a yamla'u, c'est remplir. Shay'un ra'i'un ayza. Ana sausajjilu ba'd al-ashya' al-jadida allati lam ushahidaha min qabl. Une autre chose excellente également, que je vais noter les choses nouvelles que je n'ai pas vues auparavant. لقد كانت جولة مفيدة مفيدة ولقد أعجبتني ولقد أعجبتني الآثار القديمة المباني والأواني والأدوات التي والأدوات التي استعملها القدامى القدماء في حياته. Donc c'était une bonne promenade, on va dire. Et vraiment, dernier Arjabaki, c'est mon plus. Les antiquités, c'est les constructions, les récipients et les outils qu'utilisaient les anciens dans leur vie. M'ont beaucoup plu. La Côte de Zonantou fi l'Arzantin. من اللحظات أنني أعيش معهم في مدينته وأجول في شوارعها وأشاهد منازلها وأشرب من ماء آبارها وأكل في الأواني التي كانوا يأكلون فيها. Il a dit pour un moment, j'ai cru, l'impression en fait on va dire, pendant des moments, j'ai cru que je vivais avec eux dans leur ville. Que je marchais dans les rues de la ville, et que je voyais ces maisons. Je buvais de l'eau de ces puits, et je mangeais des récipients dans lesquels ils mangeaient. C'est-à-dire quoi, l'arva ? L'arva, c'est un instant, un moment. لقد قرأت يا علي لا يا علي بالأمس إعلانا عن رحلة لزيارة المدينة أثرية فهل ستشترك فيها؟ J'ai vu au Ali hier une annonce d'une visite d'une ville antique. Est-ce que tu veux y participer? سأفعل ذلك وأرجو أن نذهب معا إن شاء الله. Il dit, je compte y aller en fait, et j'espère que tu viendras, qu'on ira ensemble. Inch'Allah. Patrick Joumla. أرجو ذلك. نعم, j'espère cela. طيب. التدريب الأول. الأسئلة. ماذا زار علي؟ كسك علي بيزيته. ماذا كان محمود يكتب؟ كسك محمود يكتب. كم قضايا من الزمان في المتحف؟ On vient de temps qui passait dans le musée. ماذا سيسجل علي؟ كسك علي فنوتي. لماذا وصف محمود زيارتهما للمتحف؟ Comment est-ce que محمود a décrit leur visite du musée? ماذا أعجب محمود فيها؟ محمودا. Qu'est-ce qu'il y a plus à Mahmoud dedans? Maza Arjaba Mahmoud. Non, une erreur là. Elle se yashtadiku Aliyun fi rihlati al-qadima. Est-ce que Ali va participer à la prochaine visite, sortie on va dire? Maza dhanna Aliyun fi lahzatin min al-lahzat. Qu'est-ce que Ali a cru un instant parmi les instants? Elle تتذكر بعض الأواني التي كان يستعملها القدماء. Tu te rappelles certains des récipients qu'utilisaient les anciens? C'est ça, il n'y a pas de temps. Tassia, mais après. Oui, Fanny. Akmil kema fil namouzaj. عندنا رحلة بين قوسين. لقد كانت رحلة ثم تأتت Mumti'atan, c'est-à-dire tu rajoutes le mot entre parenthèses dans la code kanat kaza wa kaza en mettant un na'at. Là, je note, tu mets Mumti'atan à chaque fois en fait. Ah ouais, je change l'Yahya par... Voilà, l'Yahya par le mot qu'on peut pas en faire. La fin du Kainat. L'Urbatan ou le Tirad. Ça veut dire quoi, l'Urba? Des jouets, non? La fin du Kainat. Qissatan ou le Tirad. Le mana qissa. L'histoire. Non. La fin du Kainat. Muqabalatan ou le Tirad. Le mana muqabala. Rencontre. Rencontre. Et attention. On ne dit pas Muqabala pour une khidba, comme les gens sont au Qasra habitués. Une khidba. Muqabala, c'est quelque chose de plus large. La khidba, c'est shad'i, c'est le fait de voir la femme et que la femme voit l'homme pour le zawaj. Hada ou al-mana, al-lof de shad'i, khidba. Ayo, tu parles d'autre? Laqad kanat. Al-abara. Al-abara. Al-abara. Al-ti'atan. C'est quoi al-abara déjà? On l'a pris au début. Jam de bière. Ah ouais. De pluie. Non. La fin de Kanat. Elle m'a banni. Mon tiran. Mon tiratan. M'a banni, c'est quoi? Non. La fin de Kanat. Elle a ouani. Mon tiratan. C'est bizarre de mettre mon tira pour l'abar ou le mabani ou l'awani. Allah Allah. C'est bizarre. Hier, c'était. La qad kanat al-ma'loumatun al-mu'la'a. La qad kanat. La qad kanat ma'loumatan mouti'atan. Là, ils ont fini avant le livre. On dit la fois des kanat, jaulatun mufidatan. Alors, ça doit être la fois des kanat, jaulatan mufidatan. Appelle comme dit. Et là, t'es tombé dedans. Ça sert à maintenant, il y a une règle spéciale. Hein. Ouais, la fois des kanat, ma'loumatin, le djem mounafali, lorsque t'es dans le souffle avec une kasra. C'est-à-dire Ra'aytu al-Muslimati. Je dirais pas Ra'aytu al-Muslimata. Mansoub, c'est pas avec une fatha, c'est une kasra. Jamu anaf salim, parce que les mansoub, c'est pas avec une fatha. Les mansoub avec une kasra. Alamat nasbi, elle fatha. Kasra du coup. Je dis quoi? Là, Kassra, ma foi, c'est pas plus détail. Non, tu dis Ra'aytu muslimatin, tu dis pas Ra'aytu muslimatin, abadan. لقد كانت معلومات مفيدة. لقد كانت تغييرة ça fait le truc des mots qui sont cités part. A'jabatni al-ma'loumat manzara al-qudama al-awani tashtariku sa'afal. طيب الجمله الاولى حقا قد كانت رحله وفيله سجلت فيها كثيرا من vraiment c'est une bonne sortie profitable. J'ai noté beaucoup de ma'loumat. ثانيا سأل محمود صديقه هل معنا مرة أخرى؟ محمود demande à son ami est-ce que tu se retrouves avec nous؟ ستشترك. نعم تشترك. ثالثا تختلف التي كانوا يستعملونها كثيرا عما نستعمله اليوم. Différer beaucoup était beaucoup différer beaucoup les utilisés avant beaucoup par rapport à ce que nous utilisons aujourd'hui. القدماء là. C'est quoi déjà l'awani, j'ai oublié. Awani, c'est quoi déjà? Récipient. suspensive. Je pense que c'est ça. Non. Ah ouais, non. C'est ça. Inna m shuruq ash-shams wa ghurubiha mumti'un. Certes, nous, du coucher du soleil, de son lever, sont réjouissants. Manzar. Manzar. Nous, zalika fi marati qadima. Cela dans une prochaine fois. Ça afhalo. Non. D'accord, et nous, jami'uha kulluha, fa kulluha tastahiku al-mushahada. D'accord, et nous, certes, toutes, et méritent toutes d'être vues. D'accord, ajabatni. Non. ما نوع الأواني التي يستعملها quel genre de tissotine utilisait القدماء نعم رابع حول كما في النموذج عندنا ضمير أنت ثم نريد نحول لجملة تقول هل ستكتب كتابا عما شاهدته maintenant tu fais pareil la même phrase avec هو أنا يعني est-ce que tu vas écrire ce que tu as vu هو هل سيكتب كتابا عمن شهد شاهده نعم انا هل ساكتب كتابا عمن بسمن هل عما عما شهدي شاهدته شاهدته انت هل ستكتبون كتابا عما شهدتموه هل سيكتبون كتابا عما شهدته شهدوه هل سنكتب كتابا عما شهدناه هل سيكتبنا كتابا عما شهدنا هو نعم صحيح الخامس سيكون في البيت يكمل بأسلوبك مع استعمال الحروف التالية. Écris avec ton style à toi en utilisant les lettres suivantes. An, an, min, wa, fi. Dans les phrases, quand tu as tout khabaran, tu sers plus une information et après tu mets la lettre qui va derrière, le harf qui va derrière et tu rajoutes. Arjou, j'espère, tu mets le harf qui va derrière avec le propos de la phrase. Fadaitu, waqtan tawilan, j'ai passé beaucoup de temps et tu mets le harf qui va derrière pour le temps. Passé. Raja Ali Youn, Ali est revenu et tu mets ce qu'il faut. Toi, il bat de Hada. Laisse le service servir. On va faire la même famille et tu le bait, on va faire le tassir et réécrire le texte en masse. Famille, c'est mettre la colonne A avec la colonne B. Kharaja Ali Youn min manzili. Ali est sorti de chez lui, de sa maison. Kara'a Ali Youn i'lanan fi sahifa. Ali a lu une annonce dans le journal. Kataba Mahmoudun ma'loumatin. Que Mahmoud a écrit des. Je ne sais pas comment on dirait, des ma'loumats, des notes scientifiques. La ma'louma c'est les connaissances, tu vois. Istamta'a Mahmoudun wa Aliyun. Que Mahmoud et Ali ont joui de. Kan al-Qudama yusafiruna. Les anciens voyageaient. Tazakkara sadiqi annahu. Mon ami s'est rappelé que. Et en face c'est. Lam yakhuz ma'ahu nukudan. Il n'a pas pris avec lui d'argent. Ala zuhuri ba'd al-hayawanat. Sur le dos de certains animaux. Bidiyarati allati qama biha ila al-muthaf. Pour la visite qu'ils ont entrepris au musée. ليضع رسالة في صندوق البريد. Pour poser une lettre à la poste. ملأت مرأت ملأت صفحتين أثناء زيارتي للمتحف عن رحلتي j'ai rempli deux pages durant ma visite au musée à propos de la force. تفضل. خرج علي من المنزل من منزلي نعم عن رحلتي نعم عن رحلة الفرس فرس صنع تبغى مت 3 Mais en vrai, il y en a un seul qui convient, mais tu peux en mettre 3 en réalité. C'est pas celui-là que j'ai dit. Là. T'as dit quoi ? Quand là, j'ai un lieu, une même zilée. Un voyage. Un irréflatif, ça va avec ça. La suite. C'est avec quoi ? C'est avec la phrase au-dessus. C'est pas tout seul. Ah ouais, ok. Et en plus, non. Ok, ok. Marana me laisse taper. Liada'a, Aristalatan. في صندوق البريد نعم تقول لي روسي على ظهور بعض الحيوانات في الشيوي في الودول سقط النيمو معنا يستقيم او تي بودي لم يخوض معه نقود من فرق الشيوي نفرق ذلك الدرجة و 3 لا يبقى مي بون لفرق كي بول سي سلوكتيس قرأت قرأ علي اعلانا في الصحيفة كم تدري Il a 6 à droite, je crois. Il a 6 à droite, il a 5 à gauche. Voilà, Ali Youn, il y en a un. Il est tout seul. Je pense qu'il a tout de la forme en fait. Voilà, Ali Youn, il y en a un. Il s'appelle Fatim. Ensuite, Kataba Mahmoudoun, Maloumatin. ملأت صفحتين أيوة فت نعم تاع ايزون سي سي با ملأت سي ملأت ان فيت سي سون لي معلومات ملأت بضمير مستتير تغيرو هي لي روفيا معلومات نعم سي بيت لا كوجي ملأت سي ملأت احسن ملأت صفحتين اثناء زيارتي للمتحف que Mahmoud a écrit des choses qui ont rempli deux pages durant sa visite au musée. C'est ça en fait. Stam'a Mahmoud wa Ali. Stam'ta'a Mahmoud wa Ali bi ziyarati allati qama biha ila al-mut'af. Non. C'est ça, cher. Qama biha. Hein? Cher, c'est ça, cette expression. Qama biha. Qama biha. Qama biha. Que d'une chose, c'est pas une chose. كان القدماء يسافرون على ظهور بعض الحيوانات نعم تذكر صديقي أنه لن يأخذ معه نقودا نقودا سألني على صح نقودا العجر مليكيد طيب ثم تأثير ضاع الأسئلة الإجابة التالية سجل محمود معلومات مفيدة في محمود يكي شوز بروفيتان كانت زيارة ممتعة رائعة سي اون فيزيت جويسونت اكسلونت ظن أنه يعيش معهم إلا كرو كي فيفي افيك او قرأ الإعلان أثناء تحوله في السوق il a lu une annonce durant sa tournée dans le souk كان القدماء يشربون من ماء الآبار ancien lieu buvait de l'eau des puits لم يرد محمود مثل هذه الأواني قبل زيارته للمتحف que Mahmoud n'a pas vu de tels ustensiles avant sa visite au musée وتكتب النص القصة نصا طيب الى هنا والحمد لله.